L'ordonnateur en chef était d'ailleurs, en homme, une réplique d'Adeline en femme. Il appartenait au corps d'élite des beaux hommes. Grand, bien fait, blond, l'œil bleu et d'un feu, d'un jeu, d'une nuance irrésistible, la taille élégante, il était remarqué parmi les d'Orsay, les Forbin, les Ouvrard, enfin dans le bataillon des beaux de l'Empire. Homme à conquête et imbu des idées du directoire en fait de femme, sa carrière galante fut alors interrompue pendant assez longtemps par son attachement conjugal. Pour Adeline, le baron fut donc, dès l'origine, une espèce de dieu qui ne pouvait faillir. Elle lui devait tout, la fortune, elle eut voiture, hôtel et tout le luxe du temps, le bonheur, elle était aimée publiquement, un titre, elle était baronne, enfin la célébrité, on l'appela la belle Madame Hulot à Paris. Enfin, elle eut l'honneur de refuser les hommages de l'empereur qui lui fit présent d'une rivière en diamant et qui la distingua toujours, car il demandait de temps en temps « Et la belle Madame Hulot est-elle toujours sage ?» En homme capable de se venger de celui qui aurait triomphé là où il avait échoué. Il n'est donc pas besoin de beaucoup d'intelligence pour reconnaître dans une âme simple, naïve et belle les motifs du fanatisme que Madame Hulot mêlait à son amour. Après s'être bien dit que son mari ne saurait jamais avoir de tort envers elle, elle se fit, dans son fort intérieur, la servante humble, dévouée et aveugle de son créateur. Remarquez d'ailleurs qu'elle était douée d'un grand bon sens, de ce bon sens du peuple qui rendit son éducation solide. Dans le monde, elle parlait peu, ne disait de mal de personne, ne cherchait pas à briller. Elle réfléchissait sur toute chose, elle écoutait et se modelait sur les plus honnêtes femmes, sur les mieux nées.